Aujourd'hui j'ai la force, y'a pas moyen, j'suis déter. J'suis ferme sous l'écorce, mes racines puissent dans la terre. Tu peux bomber le torse, c'est pas pour autant que j'te vénère. J'te ferai bien une entorse, mais j'suis réglo, faut pas t'en faire. Tu mets le feu aux poudres, mais ça va rien résoudre. C'est juste de la poudre aux yeux. Non, t'es pas sérieux pour me fourber. Tu brandis ta poudre et au premier éclair, tu fermes les yeux. Arrête de parler, parler. Tu parles fort, mais c'est juste du bruit. Arrête de flamber, flamber. Tes billets, c'est du monopole. Dans ton monde c'est juste ordinaire, ordinaire. Tout ce qui t'intéresse, c'est de me mettre un genou à terre et de me faire taire. Repris de justesse, non tu me mettras pas les fers. Je te retourne ta veste et le contrat qui mène aux enfers. Tu mets le feu aux poudres, mais ça va rien résoudre. C'est juste de la poudre aux yeux. Non t'es pas sérieux pour me fourber. Tu brandis ta foudre et au premier éclair tu fermes les yeux. Arrête de parler, parler. Tu parles fort, mais c'est juste du bruit.